Chapitre 86. Les sages paroles de l'oncle Franz, le respect dû à la loi. Un nouveau voyage. Il faut se soumettre à la loi, même quand elle nous paraît dure et pénible. L'oncle Franz était sorti de l'hôpital depuis 8 jours. Il avait loué sur un quai de Bordeaux une petite chambre. Dans ces deux chambres, il y avait un second lit tout prêt pour l'arrivée des 2 orphelins. Quoique Franz eût été gravement malade, il reprenait ses forces assez vite. C'était un robuste Lorrain de grande taille et d'une constitution vigoureuse. « Dans 8 jours, dit-il aux enfants, je serai de force à travailler. »« Attendez-en 15, mon oncle, dit André, cela vaudra mieux. » Après les chagrins que Franz Wolden venait d'éprouver, il se sentit tout heureux d'avoir auprès de lui ses 2 enfants. La sagesse et le courage d'André l'émerveillaient et le réconfortaient. La vivacité et la tendresse de Julien le mettaient en joie. L'enfant, depuis bien longtemps, n'avait été aussi gai. Quand il marchait dans les rues de Bordeaux ou sur la grande place des Quinconces, tenant son oncle par la main, il se dressait de toute sa petite taille. Il regardait les autres enfants avec une sorte de fierté naïve, pensant en lui-même « Et moi aussi j'ai un oncle, un second père, j'ai une famille, et nous allons travailler tous à présent pour gagner une maison à nous. » « Enfant, dit un matin l'oncle Franz, voici mon avis sur notre situation. » Nous avons beau être sur le sol de la France, cela ne suffit pas aux Alsaciens lorrains pour être regardés comme français. Il leur faut encore remplir les formalités exigées par la loi dans le traité de paix avec l'Allemagne. Donc nous avons tous les trois à régler nos affaires en Alsace-Lorraine. La loi nous accorde encore pour cela 9 mois. Une fois en règle de ce côté, une fois notre titre de français reconnu, nous songerons au reste. « Oui, oui, mon oncle, s'écrièrent André et Julien d'une même voix, c'est ce que voulait notre père, c'est aussi ce que nous pensons. » D'ailleurs, ajouta André, notre père nous a appris qu'avant toute chose, il faut se soumettre à la loi. Il avait raison, mes enfants, même quand la loi est dure et pénible, c'est toujours la loi, et il faut l'observer. Seulement l'Alsace-Lorraine est loin, et nos économies bien minces, car les 6 000 francs que j'avais placés sont perdus sans retour. C'était le fruit de 20 années de travail et de privation, et tout est à recommencer maintenant. Tâchons donc de faire notre voyage sans rien dépenser, mais au contraire en gagnant quelque chose, comme vous avez fait vous-même depuis 4 mois. Vous savez que par métier je suis charpentier de navire. Eh bien, il y a au port de Bordeaux un vieil ami à moi, le pilote Guillaume, dont le vaisseau va partir bientôt pour Calais. Il m'a promis de prier le capitaine du navire de m'employer à son bord. « Moi-même, dit André, j'y pourrais gagner quelque chose. »« Et moi ?» demanda Julien. « Nous débattrons par marché ton passage, et nous nous embarquerons tous les trois. » C'est un de ces navires de grand cabotage nombreux à Bordeaux, qui ont l'habitude d'aller en suivant les côtes, de Bordeaux jusqu'à Calais. Nous serons là-bas dans quelques semaines, et avec un peu d'argent de gagner, nous reprendrons de l'ouvrage sur les bateaux d'eau douce qui naviguent sans cesse de Calais en Lorraine, et nous arriverons ainsi sans qu'il nous en ait rien coûté. « Nous allons donc voir encore la mer, dit Julien. » « Oui, et une mer bien plus grande, bien plus terrible que la Méditerranée, l'océan. » « Mais ce qui me contrarie le plus, Julien, c'est que tu vas encore te trouver à manquer l'école pendant plusieurs mois. « Oh, mais mon oncle, soyez tranquille, je travaillerai à bord du navire, comme si j'étais en classe. » « André me dira quel devoir faire, et je les ferai. » « De cette façon, quand nous serons enfin bien établis quelque part, » et que je retournerai dans une école, je ne serai pas le dernier de la classe, allez. » « À la bonne heure, dit l'oncle Franz. Le temps de la jeunesse est celui de l'étude, mon Julien, et un enfant studieux se prépare à un avenir honorable. »